ندخل الآن في سورة الواقعة في المسألة التاسعة والسبعين بعد المئة 179 مسألة في قوله تعالى فلا قسم بمواقع النجوم dans le sens où Allah dit que je jure par les positions des étoiles verset 75 là quand quelqu'un lit directement le sens du verset en français il ne se rend pas compte de la chose. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla commence en disant « Fala uqsimu bimawaqi' an-nujum ». Donc il y a « la » qui apparaît là-devant, et « la » à la base, c'est un « harf » « nafi ». C'est une négation. Et là, l'auteur va expliquer cela. « Qala, rahimahullah ta'ala, yaqtadi annu lam yuqsim biyad al-qasam. Wa qawluhu ta'ala, wa innu la qasamun law ta'lamuna azim, yadulu ala khilaf dhalika. » Donc là, le verset laisse entendre comme si Allah n'avait pas fait ce serment. C'est comme s'il disait, non, je ne jure pas par les positions des étoiles. En réalité, si on traduirait mot à mot, ça se dirait comme ça. Mais les gens qui traduisent les sens des versets ont, eux, fait par cela, par le sens et par le tafsir, donc ils ont enlevé ce terme. Le « la », il a été enlevé, il n'apparaît pas en français. Mais en arabe, un arabophone, lui, pourra voir la chose, et celui qui ne connaît pas cela pourrait, Mesalen, trouver cela incompréhensible. Donc dans ce verset-là, on pourrait croire que Allah n'a pas juré, dit qu'il ne jure pas par les positions des étoiles. Et dans un autre verset, dans le même surat, verset 80 au 76, il dit « C'est certes là un serment solennel, si vous saviez. » Donc il affirme ce serment. Donc cela fait apparaître une contradiction. Il dit « Wal jawabu min wajhain » On répond cela de deux façons. الأول أن لا النافية يتعلق نفيها بكلام الكفار فمعناها إذن ليس الأمر كما يزعم الكفار والمكذبون لرسول وعليه فقوله أقسم إثبات متنف. Donc la première réponse c'est simplement que le mot la en fait qui est une négation n'est pas lié à la suite du verset. C'est une réponse à part que Allah Azza wa Jal donnerait aux kuffars qui ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la chose n'est pas comme le prétendent les mécréants qui ont démenti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fala, le verset, le mourad, ça a trait ici. Et la suite, uqsimu bimawaqi' an-nujum, je jure par les positions des étoiles, c'est une nouvelle phrase qui n'est pas liée à la première, qui n'est pas liée au la qui est avant. Ça, c'est une réponse. Wa thani, anna lafzat la sila. وقد وعدنا بيان ذلك بشواهده في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد مع قوله تعالى وهذا البلد الأمين. Et deuxième réponse, c'est que là en fait s'appelle sila wa tawkil, c'est-à-dire c'est un harf, une lettre qui est rajoutée. Mais en arabe on dit ça, on dira sila pour pas dire que dans le Coran il y a des choses rajoutées qui n'ont pas de sens. Elle a un sens, mais le sens n'est pas celui qui nous apparaît forcément. Donc là, le la, ce n'est pas une lettre de négation comme on pourrait le croire. Mais c'est un sila wa tawkid. Et il a dit qu'il va apporter la réponse comme il l'a promis avec des preuves de la langue arabe en cela, lorsqu'il viendra dans la surat At-Tin ou Al-Balad. Lorsque là, dans le sens, il dit La uqsimu bihadha al-balad. Quand il dit je ne jure pas par ce pays, alors qu'en vrai, il dit je jure par ce pays. Surat At-Tin, le figuier, verset 3. Donc quand il va lier entre ces deux versets, il va citer justement cette mas'ala là. Que la ici, c'est un harf qui s'appelle sila wa tawkid, qui. En réalité, hors dehors du Coran, c'est un harf qui est rajouté. Naam. Fabien al-Qad naktafi wa alhamdulillah rabbil alamin.